Galaxy Live avec la deuxième partie du mix de Yuri qu'on a pu entendre hier justement entre 19h30 et 20h. C'était un extrait de la sélection de la soirée Soretro numéro 5. C'était il y a quelques mois. N'oublie pas que la Soretro numéro 7 c'est ce week-end avec la nouvelle compilation CD. Et justement, on vous offre tout de suite encore des entrées gratuites au 03 20 83 57 57 durant deux petites minutes. Music remains on top. Live. Galaxy Live. Galaxy avec un instant votre rendez-vous Galaxy Live 19h30 20h, c'était la deuxième partie du mix de Yuri enregistré lors de la Soretro numéro 5, c'était il y a quelques mois, et pour revivre cette ambiance, eh bien nouvelle Soretro ce samedi soir à partir de 21h avec toute la team des résidents Soretro. Ce sera à l'Escape Concept, à l'occasion également de la nouvelle compilation, double compilation, qui sortira dès la semaine prochaine chez votre disquaire.